franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les quartiers sensibles. Retour sur l'été chaud des Minguettes et la première émeute des banlieues françaises. Il y a 35 ans, de juillet à octobre 80, dans les banlieues de l'Est lyonnais, de Vénissieux à Vaux-en-Velin, les cités dortoirs s'enflamment. Des centaines de voitures sont incendiées au pied des huppes et de violents affrontements opposent les jeunes aux forces de l'ordre. Ces événements, surmédiatisés, attirent brusquement l'attention du pays sur ce qu'on appellera avec une certaine pudeur le malaise des grands ensembles. C'est un coup de tonnerre pour la gauche au pouvoir. François Mitterrand, élu avec enthousiasme quelques mois auparavant, le 10 mai 81, doit dire adieu à son état de grâce. Pendant des années, on était certain d'être passé à côté des situations de ghetto et de révolte ethnique que connaît alors l'Angleterre. Les Minguettes, théâtre d'une émeute urbaine sans précédent, sonnent le tocsin. Pour la gauche, l'épreuve est initiatique et l'État prend rapidement la mesure de l'avertissement. Ces émeutes urbaines poussent le gouvernement à chercher des solutions innovantes. La nouvelle politique de la ville, celle que nous connaissons aujourd'hui, est donc née en cet été 1981 dans les banlieues lyonnaises. C'est aussi d'ici que partira, deux ans plus tard, la marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée la marche des beurs. Notre invité aujourd'hui, le sociologue Adil Jazouli, spécialiste des banlieues, des quartiers populaires et des politiques publiques qui s'y mènent depuis 35 ans. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo qui est allé mardi à la rencontre de jeunes de la cité de la Maladrerie à Aubervilliers, des jeunes qui s'ennuient déjà à l'approche de l'été. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui David Federman. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter. Juillet 81, dans une banlieue de l'Est lyonnais. Tout phare allumé, une puissante cylindrée déboule dans la nuit de la cité HLM. Les pneus crissent, le moteur hurle. Tête à queue, virage sur les chapeaux de roue, slalom au milieu des poubelles. La voiture, une grosse BMW, a été volée quelques instants plus tôt dans les beaux quartiers de Lyon, à côté de la place Bellecour, ou le long du boulevard des Belges. 15 kilomètres plus loin, au pied des tours de béton, des dizaines de gamins assistent au spectacle. Toute la cité est à ses fenêtres, par familles entières, tous assiste au vacarme en attendant l'arrivée de la police, qui ne tarde pas à débarquer, sirène hurlante. Et le jeu reprend plus belle. Un bon rodéo se joue forcément avec un fourgon blindé. La corrida automobile dure quelques minutes, et sous une volée de projectiles, la camionnette repart, cahoutante, l'aile emboutie. Les gamins entourent la BM et célèbrent le cascadeur du jour dans une explosion de joie. Puis l'un d'eux gratte une allumette et met le feu au bolide, enfin, ce qu'il en reste. Un immense brasier illumine les murs délavés de la cité. Bientôt, les sirènes de la police laissent place à celles des pompiers rompus à l'exercice. Voilà, fin de partie. Chacun peut rentrer chez soi. Aux fenêtres, les adultes excédés peuvent enfin refermer les rideaux sur cette énième nuit blanche. Voici donc les règles du jeu lyonnais de l'été 1981, baptisé le Rodéo. La scène se passe dans la cité des Minguettes, située sur la commune de Vénissieux, banlieue populaire. Les protagonistes ont 18 ans, tout au plus. Qui sont-ils? Une bande, pour la plupart, fils d'immigrés, petits délinquants des cités dortoirs, qui, comme presque la totalité des 10 000 jeunes que comptent les Minguettes, ne sont pas partis en vacances. Sous un soleil écrasant, au cœur de cet univers de béton, difficile de tuer l'ennui, il n'y a ici aucune structure de loisirs, pas un centre socioculturel, ni même une MJC, pas ou peu de transports publics, et à peine quatre éducateurs, une goutte d'eau dans l'océan. Quand la plupart se sont résolus à traîner des baskets d'une tour à l'autre, ces loubards, comme on les appelle alors, occupent leur nuit à voler des voitures et à jouer au chat et la souris avec la police. Pris isolément, ces rodéos tapageurs relèvent du simple fait divers. Oui, mais voilà. En ce début de mois de juillet 81, les nuits aux Minguettes se suivent et se ressemblent. Aux virées nocturnes, quasi quotidiennes, s'ajoutent les cambriolages dans les appartements et le saccage des commerces du quartier. d'abord relayé par le journal local Le Progrès, les incidents de la cité des Minguettes s'invitent alors dans l'actualité nationale. Nouveaux incidents hier soir à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Tout comme la veille, des groupes de jeunes gens se sont heurtés aux policiers. Ils ont mis le feu à une voiture en stationnement. Ils ont aussi fracturé la porte d'un garage. Ça fait 15 jours, d'après la police de Vénissieux, que des incidents du même genre se produisent dans le quartier. Vénissieux, de nouveaux incidents hier soir, toujours dans le même quartier, celui des Minguettes. Trois cambrioleurs ont blessé un locataire. Les policiers sont très vite arrivés sur place, mais au moment où ils ont voulu appréhender les trois hommes, ils ont été accueillis à coups de jets de pierre. Les bagarres se sont achevées vers 2h du matin. Un mot encore pour vous dire que de nouveaux incidents se sont produits ce soir à Vénissieux, dans la banlieue sud de Lyon. Une automobile a été incendiée par un groupe de jeunes manifestants nord-africains pour la plupart. Deux autres véhicules ont été entièrement démontés dans les communes voisines de Vaux-en-Velin et de Pierre-Bénite. Les patrouilles de police qui évitent le contact avec les manifestants ont procédé aux constatations d'usage. S'il est impossible pour l'heure de prévoir l'ampleur du phénomène, on prend peu à peu conscience de sa gravité. En l'espace de quelques semaines, il faut dire que la violence s'est durablement installée aux Minguettes. L'ambiance chaotique qui s'empare de la cité devient insupportable pour les habitants. La municipalité de Vénissieux est donc sommée de réagir. Dans un premier temps, elle cherche à rassurer, à minimiser les événements. Oh, ils ne sont que le fait de quelques garnements qui devront être sévèrement punis, explique un adjoint au maire. Puis, tout en affirmant que la présence policière ne doit pas être multipliée, les élus locaux demandent l'ouverture d'une annexe du commissariat de police. Le 10 juillet 1981, c'est chose faite au pied de la tour Montmousseau, au cœur même des Minguettes. Mais la situation est loin d'être idéale. Pour les jeunes, l'initiative est vécue comme une provocation. Les policiers, eux, n'osent pas intervenir de peur d'envenimer les choses. Alors, nuit après nuit, ils assistent impuissants aux exploits des loubards. Trois jours plus tard, l'annexe est supprimée. Retour à la case départ. Le 16 juillet, le maire communiste de Vénissieux, Marcel Wall, organise une assemblée extraordinaire dans la Maison du Peuple. Responsables municipaux, policiers, commissaires, associations, syndicats, mais aussi et surtout habitants des Minguettes, plusieurs centaines de personnes sont réunies ce jour-là pour tenter de désamorcer la crise. Chacun y va de son analyse. Pour certains, l'origine du mal est avant tout sociale. Pour d'autres, il s'agit d'abord d'un problème de délinquance. Entre répression et prévention, les positions divergent. Coup de filet au fond de la salle, un jeune du quartier se lève et interrompt les discours dactylographiés. Ok, mais t'as des solutions ? À vrai dire, rien de concret. Fin juillet, les incidents persistent et s'aggravent. Après Vénissieux, le phénomène s'étend aux autres cités maudites de l'Est lyonnais, La Grapinière, à Vaux-en-Velin et Olivier de Serres, à Villeurbanne. 3 V comme vice, n'hésite pas à titrer de journal Le Quotidien. Mais le vice de qui ? De quoi ? Alors que l'opinion publique découvre avec inquiétude que plusieurs dizaines de quartiers sont au bord de l'explosion sociale, les médias tendent leur micro aux premiers incriminés, les jeunes des banlieues. À visage couvert, ils font leur apparition sur nos écrans de télé. Une parole nouvelle se fait alors entendre, et avec elle, l'écho d'une révolte sourde. Dans ce quartier, c'est tous dans le même sac. Les jeunes, dans les jeunes, il y a Italiens, il y a Français, il y a Algériens, il y a Juifs, il y a tout ce qui... Et vous entendez ? Très bien, très bien. Pourquoi c'est rodéo cet été ? Comme vous êtes venus aujourd'hui, les journalistes, pour parler, pour avoir des contacts avec les jeunes, quoi. Et là, aujourd'hui, ils s'expriment devant vous, ils disent ils font des rodéos, ils voudraient avoir une salle, ils voudraient avoir moins de contrôle de papier, vivre bien, vivre. Vivre, le mot qui veut dire, vivre. Pas tous les jours au papier, contrôle d'identité, garde-toi, on monte au fourgon et tout, il y en a marre. On est refusé dans les boîtes de nuit, bientôt ils vont nous refuser les bars peut-être. Bientôt on sera peut-être interdit dans les bars. C'est une humiliation, bien sûr. La ségrégation, le racisme, on est refusé dans les boîtes de nuit. Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? T'as vu, ils nous ont refusé l'entrée, ça fait la quatrième boîte qui nous refuse, ça peut plus durer, il y en a marre, bien on va voler une voiture. C'est une vengeance, voilà. Vous comprenez ? Le vice serait donc celui de l'infortune et du désœuvrement, les rodéos, l'illustration d'une vengeance. Admettons. Mais comment expliquer une telle violence ? La cité des Minguettes, parlons-en. Elle sort de terre en 1968 sur un vaste plateau agricole de Vénissieux, à 15 km à l'est de Lyon. Elle devient alors la plus grande ZUP de France, zone à urbaniser en priorité. Depuis 20 ans sur le territoire, on en a construit plus de 200, des grands ensembles urbains qui entendent répondre à la croissance démographique issue du baby-boom et aux importantes vagues d'immigration de l'après-guerre. C'est l'époque des Trente Glorieuses, de la croissance et du plein emploi. Ces nouveaux grands ensembles, tournés vers l'avenir, peut-on lire sur les plaquettes publicitaires, sont alors une solution à la crise endémique du mal-logement. La ville de Vénissieux, bastion communiste depuis la Seconde Guerre mondiale, voit les choses en grand. Les Minguettes, ce sont une centaine de bars et de tours pouvant accueillir jusqu'à 40 000 personnes, soit l'équivalent de la population de Chartres, par exemple. Une véritable ville dans la ville, synonyme à ses débuts de justice sociale. Les ouvriers quittent Taudy et Bidonville pour de nouveaux logements modernes, spacieux. À l'extérieur, des parkings à perte de vue, des espaces verts aussi, des supermarchés, et puis plus rien. La ZUP n'a jamais fini d'être construite. Au milieu des années 70, les crises pétrolières puis économiques sont passées par là. Et c'est dans ces banlieues populaires que l'addition est la plus lourde. En 81, aux Minguettes, les bâtiments ont vieilli, l'insalubrité est devenue la norme. Il n'y a toujours pas de lieu pour se réunir, pas de bistrot, un seul restaurant, mais aussi, et surtout, 4000 chômeurs. Avec la crise économique, c'est tout l'équilibre de la ZUP qui est bouleversé. Alors que 35% de la population est originaire du Maghreb et que près de 40 nationalités différentes cohabitent ici, les immigrés sont de moins en moins bien perçus. En témoigne le nombre très élevé de logements vides, 1500 sur 10 000. Un phénomène qui se généralise à l'ensemble des quartiers populaires français. Dès qu'ils en ont la possibilité, les Européens désertent le parc HLM. Alors, pour ceux qui restent aux Minguettes, les incidents de l'été 81 finissent d'exacerber les tensions sur fond de racisme latent. Entre ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent, et jeunes du quartier, ce sont deux camps rivaux qui s'opposent. Comme en témoignent les propos de ce buraliste des Minguettes au micro de France Inter le 23 juillet 1981. Il y a un climat de violence qui s'est installé. Disons que devant la carence des pouvoirs publics, eh bien nous on vit dans la peur. Enfin moi personnellement ça me dérange secondairement parce que je suis un homme, mais enfin ma femme n'est pas tranquille du tout. Et en ce moment elle est avec une réunion à la mairie pour voir ce qu'il y a lieu de faire, quoi, parce que c'est plus vivable. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toutes les nuits, il y a des rodéos de voitures, des voitures incendiées, des menaces sur les personnes. Hier au soir, je suis sorti pour fermer les grilles de mon magasin. Et il y avait encore une femme qui avait été agressée par une bande de voyous. Et quand il s'agit de trouver des noms, personne ne dit rien. C'est devenu infernal, quoi. Il faut pas avoir peur des mots, hein, c'est des maghrébins. Hein. De toute façon, ici, ils sont en majorité. Bon, dès l'instant où ils sont en majorité, ils font la loi. La situation est d'autant plus inquiétante que certains habitants surnommés les Zoros par les jeunes du quartier cherchent à s'organiser en comité d'autodéfense. Entendez, milice populaire. C'est le cas par exemple en septembre 81 dans le quartier Saint-Jean de Villeurbanne. Une dizaine d'habitants déclarent avoir en leur possession tout un arsenal de fusils de chasse et 22 longs rifles. À leur tête, Serge Guigny, ancien militant d'extrême droite qui se dit prêt à tirer sur tout ce qui porte une chéchia, je le cite. Dans ce climat explosif, parviendra-t-on à éviter le pire ? Face à l'urgence de la situation, Charles Hernu, maire PS de Villeurbanne et ministre de la Défense, réagit au micro d'Antenne 2 le 19 septembre 1981. Les citoyens des citoyens, même pour protester contre des faits aussi graves que ceux-là, pourront faire la loi eux-mêmes, ce sera l'escalade catastrophique, ce sera la guerre civile. Autrefois, on appelait nos policiers des gardiens de la paix. Revenons peu à peu à ce doux terme, et que nos policiers soient des gardiens de la paix, et eux seuls. C'est pourquoi je condamne comme délit ceux qui volent les voitures, ceux qui les brûlent, mais je suis tout aussi sévère à ceux qui se servent de cela et l'exploitent contre la paix civile. Il revient donc à la police de s'interposer entre ces deux camps avant que ça ne finisse dans le sang. Sauf qu'entre jeunes du quartier et forces de l'ordre, c'est la grande défiance, un conflit permanent et violent qui explique en partie cet été chaud en 1981. En effet, les émeutes des banlieues lyonnaises apparaissent pour certains comme une revanche contre les forces de l'ordre. Dans chaque quartier, entre les tours de béton, des centaines d'histoires de violences policières circulent. Elles font partie de la mémoire collective des habitants. Abus de pouvoir, bavures impunies, contrôle systématique, attitude ou propos racistes. Les jeunes issus de l'immigration ou le sentiment de traverser la ville comme on traverse un champ de mine. La police est devenue l'ennemi désigné. Une image renforcée ces dernières années par la multiplication des expulsions de jeunes étrangers. Ainsi, nombreux sont ceux qui s'estiment en guerre contre la police. Ils attendaient l'occasion de lui faire payer ses humiliations permanentes. Les émeutes des banlieues lyonnaises en sont une illustration. Au micro de France 3, des jeunes des Minguettes témoignent de ce lourd passif entre eux et les forces de l'ordre. Il y a un gars de là, en civil, qui est venu vers lui, il a dit C'est bon, tu les as eus. L'autre, il était content, il est tombé. Faut pas déconner. Hein. Ouais, mais il tirait pas en bas. Hein. Je les ai vus par la vitre, il faisait ça, par la vitre en haut, vers le bas. Comment la personne a été touchée? Il y en a un qui est dans le coma. Il y en a un qui est dans le coma. Arriver comme ça, en masse, je pense qu'il y a de quoi ne pas les aimer. Hein. Ils arrivent en masse. En masse. C'est peut-être, je sais pas. Moi. Peur de vous, c'est ben gros. Parce qu'on n'est pas quand même des, comme ils disent, des sauvages, c'est sûr. Il y a deux copains là, ils ont été boire un coup là, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure là. Ils ont été boire un coup, il y a eu un accident, leur copain il s'est fait renverser par une. Il s'est fait renverser. Le CRS, en demandant des nouvelles de celui qui s'était fait renverser, lui a mis un coup de motrec dans la gueule. C'est pas normal. Du côté de la police, le malaise est tout aussi perceptible. Première victime de ces incidents, accueillie à la ZUP par des jets de pierre, elle peine à trouver une stratégie efficace. Après avoir opté début juillet pour une omniprésence sur le terrain, les policiers se retirent progressivement, remplacés par des brigades de prévention. Celles-ci ont pour mission de travailler en profondeur pour détecter et réduire les situations de prédélinquance. Mais la situation ne s'améliore pas. Alors, on change de fusil d'épaule. Retour à l'omniprésence, mais cette fois sous la forme d'un quadrillage rigoureux des quartiers, complété par les barrages routiers dans une véritable atmosphère de camp retranché. Le verrouillage des cités, assuré par une centaine de CRS et de policiers, suscite de vives polémiques. Le journal Le Monde constate, par exemple, que les barrages sont extrêmement sélectifs. Seuls les jeunes issus de l'immigration sont contrôlés. Pire encore, ils provoquent un déplacement géographique des incidents. Au début du mois de septembre 1981, le centre de Lyon, épargné jusque-là, est ainsi touché, à son tour, par cette vague de violence. Bref, toutes les stratégies policières mises en œuvre depuis le début de l'été pour endiguer la crise sont des échecs. Un sentiment d'impuissance et de lassitude s'empare alors des troupes. Critiquée de toutes parts, à la fois coupable et victime, la police lyonnaise craque et le dit poliment, comme ici au micro de France Inter, le 16 septembre 1981. Les collègues en ont marre. Se faire prendre, disons, des pierres sur la gueule, excusez-moi du terme, va un moment, mais... Des boules de billard sur les fourgons, des pare-brises qui éclatent, des fonctionnaires blessés. Nos collègues disent « ça ne veut plus durer ». On parle de problèmes sociaux, entièrement d'accord, mais pour l'instant, c'est nous les flics, de la tenue, qui en subissons les conséquences. Alors, jusqu'où ça va durer, ma foi, je ne peux pas vous le dire, mais il faut quand même trouver une solution. Le mois de septembre est celui des désillusions. On croyait que les émeutes s'étariraient avant la fin de l'été. Il n'en est rien. Nuit après nuit, dans les banlieues de l'Est lyonnais, les voitures continuent de flamber, environ 150 depuis la mi-juin. Les commerçants mettent la clé sous la porte et des dizaines de familles plient bagages. Les maires de Vénissieux, Villeurbanne et Vaux-en-Velin appellent le gouvernement à l'aide. Car il ne s'agit pas exclusivement d'un phénomène lyonnais, non. Chômage, précarité, exclusion, l'ensemble des quartiers populaires français sont concernés. L'action publique doit être nationale. La gauche, arrivée au pouvoir 4 mois auparavant, avec l'élection de François Mitterrand, affronte donc sa première crise. Comment va-t-elle réagir et agir ? Si vous le voulez bien, on va essayer d'aborder le fond du problème. Vous avez été reçus tous les deux avec d'autres maires de la banlieue lyonnaise par le ministère de l'Intérieur. Très peu de choses ont filtré de cet entretien. Cependant, M. Capievic, vous êtes estimé satisfait. Est-ce à dire que vous avez de bonnes raisons pour ça? Bien, nous avons de bonnes raisons, en effet. D'abord, je vous fais remarquer que pour la première fois, des maires qui ont à subir ces problèmes, à y faire face, à essayer de les résoudre, mais ils ne peuvent évidemment pas le faire tout seuls, ont été reçus, et reçus longuement. Et nous avons l'espoir d'être entendus. C'est-à-dire que nous attendons du comité interministériel qui va se réunir des mesures concrètes dans le domaine à la fois de la sécurité, y compris pour des mesures de prévention et de dissuasion, mais aussi, car nous avons discuté de l'ensemble de nos problèmes, des moyens financiers qui permettraient à nos communes de développer bien davantage la politique, la gestion sociale, démocratique, humaine et culturelle qui est la leur. Le 17 septembre 1981, le maire communiste de Vaux-en-Velin, Jean Capievic, est l'invité de l'émission Face à la presse, diffusée sur France 3 Régions. Il revient sur la réunion qui a eu lieu la veille avec le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Accompagné par d'autres maires de l'Est lyonnais, dont Marcel Houel de Vénissieux et Charles Hernu de Villeurbanne, ils sont reçus pour la première fois, place Beauvau. À l'ordre du jour, bien sûr, les émeutes qui perdurent dans leur banlieue depuis plus de 2 mois. Une situation jusqu'alors inédite en France. Tous s'accordent à dire qu'il faut repenser entièrement l'organisation de ces quartiers. L'État prend acte de la faillite de ses services, écoles, formations, logements, culture, inaptes à l'insertion des jeunes des banlieues. Les ZUP, zones à urbaniser en priorité, deviennent des zones à humaniser en priorité. Mais tous ces responsables politiques réunis savent que les solutions esquissées lors de cette réunion prendront du temps. En attendant, chacun s'emploie à désigner les coupables et le débat se politise. Charles Hernu, maire PS de Villeurbanne et ministre de la Défense, accuse l'extrême droite. Selon lui, elle souffle sur les braises de la révolte afin de déstabiliser les communes de gauche. Si l'accusation peut paraître excessive, Hernu a tout de même ses raisons. Car il reçoit depuis quelque temps des lettres anonymes le menaçant de mort adressées à Mohamed Hernu. Il y a aussi ces tracts racistes qui circulent un peu partout dans sa ville. Jean Capievic, maire de Vaux-en-Velin, s'en prend quant à lui à l'extrême-gauche, qui l'accuse d'exploiter la situation et d'appeler ouvertement à la violence. Enfin, le maire de Vénissieux, Marcel Houel, s'en prend, lui, au juge, qui, selon lui, sabote le travail de la police. Il s'en explique au micro de France Inter. Si les délinquants que l'on connaît, que l'on arrête en pleine action, étaient poursuivis, étaient sévèrement punis, comme ils le méritent, peut-être qu'on ne donnerait pas la possibilité à ces délinquants de, comme on dit communément, rouler le but. Vous savez que je viens d'écrire personnellement à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à propos de la mise en liberté de 4 délinquants qui ont été pris en flagrant délit, 2 flagrant délit de vol d'une BMW, 2 jeunes gens qui habitent dans un quartier de Vénissieux où habituellement ces voitures brûlent. Ils ont été remis en liberté par le parquet. 2 autres qui ont été surpris en train de cambrioler un appartement en flagrant délit et qui ont avoué 4 cambriolages ont été remis en liberté, je comprends pas. C'est pourquoi je pose la question au garde des Sceaux. Mais s'il y a bien un coupable sur lequel tout le monde s'entend, c'est la presse. Au cœur de l'été, période traditionnellement calme, les événements de l'Est lyonnais monopolisent l'attention des journalistes, parfois jusqu'à l'excès. De nombreux articles mettent en avant les aspects les plus exotiques de la banlieue, lyonnaise en l'occurrence. Ici se rejoint West Side Story à la française, dans une ambiance surréaliste de western. Dans le Far West lyonnais, les cow-boys sont à l'affût, titre le journal Le Quotidien le 22 septembre 1981. On se plaît aussi à citer les noms de bandes comme les Rats des Minguettes, ou ceux des nouvelles figures locales. Jimmy la star du rodéo, Farouk l'as du volant, Riton le chef de la bande impitoyable. Le ton emprunté aux meilleurs films d'action américains est souvent alarmant, voire apocalyptique. Les cités de l'Est lyonnais seraient des zones de non-droit. Et pour s'en persuader, certains n'hésitent pas à mettre un sérieux coup de canif dans la déontologie journalistique. Le 19 septembre 1981, par exemple, 2 photographes indépendants sont placés en garde à vue pour avoir incité des jeunes à brûler des voitures devant leur objectif. C'est le début de l'affaire des photos reconstituées, et avec elles, le procès d'une certaine presse à sensation. On sait depuis longtemps que la photo choc exige parfois de petites combines, mais ce sont ici des jeunes qui sont mis en danger. Des jeunes facilement influençables. Comme en témoignent ses grands frères de la cité des Minguettes aux caméras d'Antenne 2 le 21 septembre 81. Ils sont achetés. Par qui ? Journalistes. Certains journalistes. Il est un fait évident, et avec témoin à l'appui, qu'hier soir, ils ont acheté des jeunes gars pour faire certains trucs. Comment ça se passe ? Alors, ils leur font des appels, ils leur donnent de l'argent. Ils leur proposent de l'argent, une telle somme. Tu prends une voiture, tu la voles devant nous, tu t'amuses à faire couiner, tout ça. Ça nous fait un bon report. Tu la brûles, et on te filme et on te donne temps. Tu sais, je vais te dire une chose à la ZUP. Il est certaines personnes qui n'ont jamais vu un Pascal. Oui. Pascal, c'est entre parenthèses 500 balles. Oui. 50 000 francs anciens. Oui. Et il y en a qui sont capables de, pour un billet de 50 000 balles ou un Pascal, faire n'importe quoi. Mais ces dérives, l'importante médiatisation des événements de l'été 1981 contribue tout de même à imposer le débat. La gauche au pouvoir ne peut plus esquisser le problème. Un sentiment d'urgence favorise alors la mise en place d'une nouvelle politique de la ville, expérimentale et innovante. À la fin du mois d'octobre, après 4 mois d'émeute, les incidents dans les cités de l'Est lyonnais perdent en intensité. Il est temps alors de réfléchir au long terme. Le 18 octobre 1981, lors des assises pour l'avenir des quartiers d'habitat social, le Premier ministre Pierre Mauroy affiche sa totale détermination. Un défi nous est lancé, dit-il, nous le relèverons, nous enrayerons le dépérissement qui menace ces quartiers et la désespérance qui atteint leurs habitants. Pendant ces assises, les bases d'une nouvelle politique de la ville sont jetées, à commencer par la création d'une commission nationale pour le développement social des quartiers. Elle concerne à la fois la dégradation des bâtiments et l'implication des habitants dans la transformation de leurs quartiers. Pour la jeunesse, un ensemble de dispositifs est mis en place durant cette période. Création d'un Conseil national de la prévention de la délinquance, mission locale pour l'emploi des jeunes et instauration de zones d'éducation prioritaire, dites ZEP. Derrière des slogans percutants tels que « casser la fabrique à détresse », l'État fait des banlieues l'un des axes prioritaires du premier septennat de François Mitterrand. Parallèlement à ces grands projets, des actions ponctuelles sont mises en place afin d'éviter de nouvelles émeutes estivales. Elles s'appellent « Opération Prévention Été », aussitôt rebaptisée par la presse « Opération Anti-Été Chaud ». Un jeune Français sur deux ne part pas en vacances. Alors, l'État va prendre en charge ceux qui sont susceptibles de poser problème. Durant l'été 1982, dans les banlieues, des activités de toutes sortes sont proposées. Tournois de foot, pétanque, cinéma de plein air, fêtes de quartier, autres festivals de musique. Même l'armée et la police s'y mettent. Ils accueillent en stage des dizaines de jeunes qui découvrent, ébahis, l'équitation, la voile, le parachutisme. Enfin pour d'autres, c'est direction grand air. À Saint-Jean-le-Centenier, le camp Ardèche, créé par Gilbert Trigano, fondateur du Club Med, on accueille 340 jeunes qui, au moins pour un temps, quittent le béton et la galère. Ils viennent des banlieues lyonnaises, parisiennes, marseillaises. Le 29 juillet 1982, ils témoignent au micro d'Antenne 2. Quand vous êtes descendu du car, que vous avez vu ce paysage-là, quelle impression vous avez ? C'était mieux que des bâtiments. C'est mieux que de voir des bâtiments. Racontez-moi un peu où vous êtes, là, à Marseille. Je suis à la Bisserine. Oui. Il n'y a presque rien là-bas, c'est rien que des bâtiments. Et ici, vous savez tout ce que vous allez faire ? Ils nous ont un peu expliqué. Ils nous ont dit on va aller à la piscine, on va faire du judo, on va de tout, quoi. Faire plein de choses. On va monter des poneys et tout. Super, oui. Et puis, c'est la fin de l'été, la fin de l'enfance, la fin de l'insouciance. Les jeunes rentrent dans leur cité dortoir et retrouvent les problèmes quotidiens. Le 22 novembre 1982, des journalistes retournent aux Minguettes pour un état des lieux. À Califourchon, sur sa mobilette, un grand frère leur répond. La rouille ici, pour certains. Pour mes petits frères, ou pour les petits, là. Il n'y a pas d'animation. Bon, l'été, parce qu'il y avait, trop de bordel, ils ont fait des animations, mais là, cet hiver, ils voient que... Non, plus de sortie, plus rien. Les amateurs, ils sont tous rentrés chez eux, tout ça. Plein, là. C'est la vraie rouille, quoi. La vraie rouille. Un ballon pour 20 personnes. En 1983, l'été suivant, les Minguettes s'embrasent à nouveau. Entre les jeunes de la ZUP et les policiers, l'ambiance, c'est de nouveau à l'émeute.

À l'époque, l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des associations, des structures diverses et variées, parlaient encore du retour au pays d'origine pour ces jeunes et leurs parents. Ouais. Donc, ils n'étaient pas, on ne les avait pas acceptés, admis, pensés comme faisant partie de la société française. Ils étaient en dehors. Alors qu'ils étaient nés en France. Ils étaient nés en France, ils ont dit en France, mais on continue à parler. Je rappelle qu'en 80, il y a eu 5000 expulsions de jeunes maghrébins qui avaient subi la double peine, à savoir condamnés pour des faits de délinquance en France et expulsés dans le pays d'origine de leurs parents parce que étant double nationaux. Mmh. La double peine a été arrêtée il n'y a pas très longtemps que ça. Donc, cette illégitimité d'être en France était quelque chose de présent dans ces quartiers, bien avant 81. Le fait que ces jeunes se révoltent, parce qu'il s'agit bien d'une révolte, les émeutes, vous avez très bien décrit, vous avez bien campé le paysage, à la fois les réactions des élus, des habitants, tout y est. Mais c'est d'abord une manière de dire, pour moi, en tout cas c'est comme ça que j'ai analysé, nous sommes d'ici. C'est une manière, parce que c'est quand même assez impressionnant, qu'on ait des actes collectifs. Les émeutes urbaines, ce sont des actes collectifs. Ce sont des centaines et des centaines de jeunes qui s'y mettent. Une capacité à agir collectivement, même en termes de délinquance, mais à agir collectivement. Parce qu'en général, la délinquance, c'est plutôt des actes individuels ou de petits groupes. Donc ça veut dire, de tout ce que vous nous dites, ça veut dire qu'on pouvait la prévoir, cette explosion, que finalement on a fait semblant d'être surpris quelque part, d'un point de vue politique. Enfin, vous savez, Il y a une forme d'irresponsabilité collective là également, non, face à ça. La météo des émeutes est très difficile. Oui, bien sûr. On savait qu'il y avait des problèmes, bien évidemment, dans ces quartiers. D'ailleurs, la politique de la ville dont vous parlez, à laquelle je travaille depuis de longues années, a commencé en 1977 déjà. Il y a eu des petites choses qui ont En 81, on l'a accéléré, on l'a renforcé parce que c'était petit ce qui était mis en place, pas à la hauteur des moyens. Ce qui était important, je pense, à retenir de 81, c'est une sorte de rentrée par effraction de ces jeunes dans la société française en disant « nous sommes d'ici ». De manière violente, mais enfin, comme ils n'ont pas d'usine pour faire la grève, ils avaient leur quartier pour faire les émeutes. Mmh. Donc c'est une manière de dire, nous sommes d'ici et nous sommes là. Et on veut tenir compte de ce que nous sommes, de ce que nous subissons en matière de discrimination, de racisme, d'emploi, de chômage, etc. De problèmes de formation, de scolarité, et j'en passe des meilleurs. C'est une manière de dire, nous sommes d'ici, et c'est aussi une interpellation du pouvoir public. C'est quand même assez, important que l'état de grâce de François Mitterrand a été cassé par ces émeutes et que une des premières réactions du pouvoir politique, ce n'est pas la répression, parce que je rappelle qu'il n'y a pas eu un seul mort dans ces émeutes. À savoir qu'il y a eu une retenue très forte de la part des forces de police qui, dans les ordres, viennent de très haut. À savoir, on surtout pas de bavure policière pendant ces événements. Donc, c'est une interpellation qui a été suivie de quelques effets, bien évidemment, puisque les politiques publiques mises en place après les émeutes ont répondu en partie à ce qui était posé par ces émeutes. Alors, je reviens sur ce que vous disiez qui était important. Nous sommes d'ici, c'est-à-dire que ce sont des fils d'immigrés, mais nés en France, et donc ils ont raison de dire... Nous sommes d'ici, c'est la chanson magnifique là qu'on a passée de Renaud. Elle s'appelle Deuxième Génération. Cette chanson-là, elle illustre parfaitement ce que nous disons. Mais quelle était la proportion, alors pour le coup, de familles non issues de l'immigration? C'était quoi le métissage dans ces banlieues à cette époque-là? À cette époque-là, le métissage était beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y avait un mélange de 40 nationalités, il y avait des Italiens, des Portugais, des Maghrébins. Enfin, c'était quand même assez... des familles françaises, d'ouvriers français des campagnes qui sont venus dans la région lyonnaise pour travailler dans la chimie lyonnaise, qu'on peut oublier que toutes ces cités-là qui étaient construites ont été dans la région lyonnaise l'ont été pour servir de logement à la main-d'œuvre du couloir de la chimie. Lyonnais, qui est encore aujourd'hui un employeur important de la région. Et donc, il y avait un peu une diversité importante. Donc, les groupes de jeunes que j'ai rencontrés, moi, déjà en 81-82, notamment, j'ai suivi un petit groupe fin 82 avec une équipe de France 3, j'ai fait un petit documentaire, le petit groupe qui a fait la marche un an après, c'était du groupe très mélangé. Très mélangé. Il y avait Alors, avec quand même ces quartiers... ont été investis par les forces de l'ordre en 81 pour deux raisons. Une bonne, c'est qu'il y avait effectivement un foyer de délinquance assez important dans ces cités, faut pas le nier. Et que, en fait, c'était une manière de la part d'un certain nombre de jeunes maghrébins de vouloir prendre leur place dans le milieu lyonnais, qui était dominé à l'époque par des grenoblois d'origine italienne. Donc il y avait une sorte de... Mais il y avait aussi là, beaucoup de jeunes dans ces quartiers qui n'étaient ni délinquants, ni dans cette... Mais qui étaient très énervés, très en colère contre la manière dont les forces de police intervenaient dans ces quartiers, contre les interpellations régulières, contre le contrôle aux faciès, etc. Donc, à la fois, faut pas... il n'y a pas d'ange dans cette affaire-là. Il y a effectivement des problèmes de délinquance dans ces quartiers qui existaient, qui existent encore, mais aussi des jeunes qui d'abord sont à la recherche. Aujourd'hui, malheureusement, cette mixité est beaucoup moins forte qu'elle ne l'était à l'époque. Donc les problèmes sont encore plus graves. D'une certaine manière, oui. La politique de la ville a essayé, avec d'autres politiques publiques, de résoudre pas mal de problèmes. On a quand même pas mal avancé. Mais en matière d'ethnicisation des quartiers, on a quand même aujourd'hui affaire à des quartiers beaucoup moins mixte au niveau ethnique qu'il ne l'était auparavant, pour des raisons que vous avez d'ailleurs dit, à savoir le départ progressif des familles françaises qui pouvaient partir du logement social. Vous savez que en France, 20 millions de Français sont passés par le logement social. Donc ceux qui pouvaient partir sont partis et sont restés ceux qui ne pouvaient pas partir ailleurs. Est-ce que c'est de cette époque-là, ou peut-être même un peu plus tard, quand la mixité est de moins en moins forte et qu'on ghettoise de plus en plus, que les prédicateurs, le prosélytisme islamiste commence? Les premiers prédicateurs islamistes sont arrivés en 86 dans la banlieue lyonnaise. Voilà, donc on n'est pas loin. 86. Ouais. Parce que, pour des raisons très simples, la marche pour l'égalité de 83 a ouvert beaucoup d'espoir. Oui. Malheureusement, pas toujours suivi d'effet, concrètement. Et lorsque le relais n'est pas pris par un certain nombre de structures républicaines, des partis politiques, des grandes associations, d'éducation populaire ou autres, ben il y a un vide, et la nature a horreur du vide. Et donc on a vu arriver, en 86, le premier prédicateur qui a commencé à prêcher dans ces quartiers. Ouais. Donc c'est pas récent. C'est pas récent. C'est pas récent, ça date. Et ça rejoint notre histoire. Tout à et fait. En plus géographiquement, puisque vous dites que c'est dans cette banlieue-là. Ils sont arrivés effectivement aux Minguettes. Ils ont même essayé de recruter parmi les marcheurs pour l'égalité un certain nombre de leurs disciples. Donc, quelle était l'attitude des habitants, alors des adultes pour le coup? On l'a dit, il y a eu des milices urbaines, hein, ça fait peur quand même ça. Oui. Bon, j'imagine et j'espère que c'était pas la majorité des habitants. La majorité des habitants, alors je viens les adultes, les gens 50, 60 ans, comment ils réagissaient? Ils avaient peur, ils en avaient marre, ils les comprenaient, c'était quoi alors? D'abord au démarrage des émeutes, c'était mois de juillet 81, c'était le ramadan. Oui. Le 3 juillet, le début du ramadan. Donc les rodéos, comme ça, les voler des voitures, les ramener à la cité pour faire les loopings et faire les rodéos, se passait plutôt le soir. Sincèrement, au début, on avait l'impression d'assister à un spectacle, voilà, parce qu'il y a un petit côté, on regarde des fenêtres, même certains applaudissaient, etc. On est dans les... Mais une partie de la population comprenait, je dis bien comprenait, la révolte des jeunes. Ils n'étaient pas d'accord avec le fait de voler des voitures, mais comprenaient qu'ils se révoltent. Pour des raisons évidentes, parce qu'eux-mêmes subissaient, c'était leurs enfants. Bien sûr. Eux-mêmes subissaient cela. Mais la plupart des habitants faisaient appel, principalement, au pouvoir public pour dire on veut que ça cesse, et la manière principale pour que ça cesse, c'est pas la répression, c'est de régler les problèmes sociaux qui sont à l'origine de ces révoltes. Donc il y a eu, mis à part bien sûr à Roubaix ou à Tourcoing, dans la région parisienne ou dans le banlieue lyonnaise, quelques tentatives de milices d'autodéfense qui ont d'ailleurs posé les bases du Front National après, hein, parce que le Front National apparaît en 84 aux élections européennes. Absolument. Et les bases ont été posées à ce moment-là, mais d'accord, c'était minoritaire. Donc globalement, c'est une population qui comprenait qui avait une approche plutôt pertinente et intelligente. Oui, hein. Et puis pour dire, les problèmes sont sociaux, il y a des problèmes de formation, de qualification, etc. Donc c'est ça qui était posé principalement par les jeunes, et les adultes les comprenaient, c'était leurs enfants qui étaient en cause. Alors évidemment, quand on parle de cela au début des années 80, on a le réflexe, et c'est normal de savoir où on en est Aujourd'hui, pour comprendre les causes de la révolte des quartiers, Annaëlle Verzeau, bonjour Annaëlle. Bonjour. Verzeau, c'est notre reporter d'Affaires Sensibles, je vous la présente. Vous êtes allée à la Cité de la Maladrerie à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, rencontrer des ados, mais alors qui s'ennuient déjà à l'approche de l'été. Oui, alors à la Maladrerie. Mmh. La Maladrerie, c'est un autre nom pour dire la léproserie. Et au Moyen-Âge, en fait, sur le site de la cité, il y avait un hôpital pour lépreux. Oui, ça partait mal. Hein. Voilà. Bon, mais sinon, donc la Mala ou Maladrerie, c'est donc une cité où vivent à peu près 2000 personnes, dans 900 logements bétonnés, qui étaient d'ailleurs surnommés par son architecte la forêt de béton. Et au centre de la cité, il y a un terrain de foot un peu défraîchi. Et pas loin, un petit centre commercial avec boulangerie, épicerie et tabac. Et là, on y rencontre des ados, les petits frères, ce qu'on appelle les petits frères, accompagnés, là, en l'occurrence, de Mohamed et Iliès. Voilà, Mohamed et Iliès. Donc, ce sont les deux voix graves que vous entendrez dans le reportage. Deux grands frères qui ont réussi, puisqu'ils sont devenus éducateurs. Voilà, et ils mènent un combat contre le chômage, contre l'ennui. Enfin, je ne fais que reprendre leurs mots. Hein. Contre la rue. Je vais arrêter de reprendre leurs mots, on va les écouter, tout simplement. Abdou, ça va? Tu vas bien? Ça va, les gars? Bonjour. Vous allez partir en vacances ou pas? Moi, je vais au bled, moi. Je vais en Afrique. Où ça? Bonjour. Au Sénégal. Au Sénégal? Oui. Vous partez, vous, pendant les vacances? Ouais, au Mali. Dans ta famille? Ouais. C'est la première fois que tu vas là-bas ou pas? Non, troisième. Et t'as quel âge? 14 ans. Tu pars en vacances? Tu vas où? Je vais à Goul. Ah, tu pars avec la maison de jeunes? Oui. Tu vas faire quoi là-bas? La moto. De la moto? Oui. Mais t'as quel âge? 13 ans. Et tu crois qu'ils vont te laisser faire de la moto? Ouais, bien sûr. C'est une petite base de loisirs où t'as un lac super grand où tu peux faire de la voile, char à voile, etc. Et de l'autre côté, t'as un petit terrain, on va dire, de cross où les jeunes peuvent faire du quad et de la mini-moto. Ouais. Les jeunes kiffent, hein. Toi, tu pars? Non. T'es déjà parti en vacances? Si, j'y allais, mais des fois, j'allais chez mes cousins, tout ça. Où ça? Ça dépend, il y en a qui habitent à Étampes. Un banlieue sud de Paris. Mmh. Et toi? Non. À part chez mes cousins, ils habitent Lourdes. J'en ai qui habitent à Drancy, j'en ai qui habitent à Bobigny. Ou sinon, je vais quelque part avec mes sœurs. Et elle propose de t'emmener où? Des fois, à Paris. Réellement, il y en a beaucoup qui partent. Mais ils partent pas à Nice ou je sais pas quoi, ils vont à Bobigny, ils vont chez le cousin ou chez la tante. Mais c'est ça. Drancy, ils savent pas ce que c'est. Pour eux, Bobigny ou Angoulême, c'est pareil presque, tu vois. Ils font un trajet. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu pars où? Nulle part. Je suis jamais parti en vacances. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour aller. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pendant l'été? Reste chez moi, regarder la télé. Oui, sans rien faire. T'as pas le droit! T'as jamais vu la mer? À part quand j'étais tout petit, sinon non. Le mot ici c'est galère presque, tu vois. C'est ce que t'entends. Moi, tout à l'heure, le petit à qui j'ai serré la main devant toi, je dis voilà, tu fais quoi là? Il fait chaud comme ça. Il me dit, ouais, c'est la galère quoi. Tu vois, c'est pas tant une revendication négative, etc. Mais c'est juste de dire, on est là, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. On a tué le temps, on a regardé l'heure. Là, c'est le ramadan en ce moment, mais quand c'était le ramadan, pareil, on regardait l'heure. Enfin, voilà, on s'est ennuyé, quoi. On s'est ennuyé, on a traîné ici. Ça veut dire qu'on essaie de tuer le temps et on le tue comment? Bah, le foot. Le foot. Quand tu rentres dans le stade, tu vois que les bâtiments qui sont autour. Ouais. Quand tu perds un ballon, il va dans la cité. C'est le stade entouré de barres d'immeubles. Ouais, ça donne un charme. Ou alors ça fait peur, ça dépend des gens. Bonjour. Bonjour. On se trouve à la maison des jeunes. Du quartier Maladrerie, Émile Dubois. Ici, on est en pied d'immeuble. On est même en sous-sol ici. C'est un truc de fou, hein. Et c'est pas évident. Nous, par exemple, on a même des remontées d'égouts derrière, parce que c'est vraiment un sous-sol. Ça se fait à l'ancienne un peu, genre on dirait. Tu vois, les trucs dans la haine, tout ça, là. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Ouais, c'est extrêmement. Un vrai lieu au milieu de la cité. Exactement. Ouais. Bah là, on est dans le fin fond de la cité. On connaît le quartier, hein. Ouais. Dans le fin fond, il y a le passé du Porsche. On sait ce que c'était, on sait ce que certains jeunes ils y faisaient. C'est-à-dire que c'est pas évident du tout. Qu'est-ce que c'est? Le Porsche, en fait, c'est le petit passage là. C'est un Porsche, bah, justement, juste là. Et ça permettait de passer directement des 800 au fort d'Aubervilliers. C'était un petit passage. Et après, il y a eu des années où il y a eu du deal, etc. dans ce coin-là. Du coup, bah, c'était pas évident. Reda. Ah, un truc marrant, c'est l'histoire des fontaines à eau. Là, depuis, enfin, ça fait 3-4 ans maintenant. Tu sais, toutes les bouches à incendie, en fait, les jeunes ont trouvé le moyen de les ouvrir. Et du coup, ça fait des grands geysers, c'est spectaculaire, hein, et ça permet de se rafraîchir quand il fait chaud, etc. Sauf que ça pose un problème énorme de gaspillage, etc. Mohamed, on m'a dit que tu l'avais interdit, l'ouverture des bouches à incendie. C'est clair. On a proposé, pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. On a proposé à la mairie, à des élus, de mettre en place peut-être des piscines gonflables, mais là, ouvrir l'eau pour l'ouvrir et que ça dégouline dans tout le quartier. Parce qu'après, en plus, le jour où je leur ai dit d'arrêter, il y a une dame qui n'arrive pas à sortir sa voiture justement du parking parce que la bouche elle était juste devant, ça veut dire que même rentrer dans sa voiture c'est un film. Et oui, les petits Mpali et compagnie ils habitent là. Il s'est avéré que le soir même là, chez eux, il n'y avait pas d'eau. À cause de ça? Ouais. Ah oui. J'ai dit bah voilà. Chaque été, ça se répète. Chaque été. Ilyes, toi t'es né en quelle année? 95. Est-ce que l'été des Minguettes ça vous dit quelque chose? Ouais. On est en 2017 et je pense que si on écoute des reportages de France Inter de 81, ils vont vous parler de chômage, ils vont vous parler d'ennui, ils vont vous parler de discrimination, ils vont vous parler de pauvreté. En fait, ouais, il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est du cosmétique presque, en fait. Là, par exemple, le terrain de foot qu'on voit à la sortie, c'était du béton quand nous, on était petits. Maintenant, c'est du synthé, donc c'est un peu mieux. Le bâtiment juste là, il a été un peu repeint. Avant, c'était rien, quoi. Maintenant, c'est orange, bleu, etc. On a amélioré le pourtour, quoi, pas le cœur du truc. Voilà, l'ouverture des bouches à incendie pour se rafraîchir. En ce moment, c'est la ville de Rennes qui connaît ça. Elle n'est pas inondée, mais pas loin. Adil Jazouli, on peut faire qu'un constat, hein, c'est que le problème des banlieues françaises persiste depuis 81. De nouvelles émeutes éclatent régulièrement. On se souvient tous, bien sûr, des émeutes de 2005. Et les jeunes des banlieues sont plus que jamais victimes des violences policières. Et là, on pense évidemment à l'affaire Théo qui a bouleversé la France au mois de mars dernier. C'est quoi alors? C'est un constat d'échec total ou pas? Pas du tout. Les problèmes sociaux ne se règlent pas en 30 secondes. Les problèmes de la pauvreté sont inhérents quasiment à toute société, quelle qu'elle soit. Mmh. La France, de ce point de vue-là, n'est pas la pire. Faut pas non plus exagérer. Il y a des politiques qui ont été mises en place. Si on n'avait pas mis en place la politique de la ville, qu'est-ce qu'on aurait eu comme situation aujourd'hui? Il faut quand même raisonner en placebo. Très bien. Si on avait pris des cités, on n'avait rien fait, et des cités, on a fait des choses, je pense qu'on aurait des choses. Bien évidemment, ce qu'on ne voit pas, par exemple, ce qui n'est pas visible dans une politique comme la politique de la ville, c'est lorsque, aujourd'hui, y compris parmi les jeunes d'origine maghrébine, beaucoup quittent parce qu'ils ont trouvé un travail, trouvent un emploi, trouvent un logement ailleurs. Derrière, un écrémage par le haut qui se fait chaque fois qu'une famille part de ses quartiers, elle est remplacée par une famille plus pauvre. Parce que ces quartiers sont par définition. Ils accueillent les familles, les femmes avec enfants, 33% de familles monoparentales, le triple de la moyenne nationale, 42% de taux de pauvreté, etc. Donc ces quartiers, par définition, sont des quartiers où il y a des problèmes sociaux concentrés. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, continuer l'effort et travailler à ce que cette réduction des inégalités soit réellement efficace. Ce sera le mot de la fin, comme une morale de l'histoire. Merci en tout cas, Adil Jazouli. Merci. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la crise des Minguettes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction. Elle sera consacrée aux ovnis et un épisode bien particulier. C'était Orly.